بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 109 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Kitab al-Tawhid, avec le charh du petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, le petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avec son charh Qurra'at Uyun al-Muwahhidin, et son nom c'est le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, avec le commentaire de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on arrive aujourd'hui à un nouveau chapitre qui est le chapitre 12 dans Kitab al-Tawhid, et le titre c'est Babun min ash-shirki an-nadhru li ghayrillah, min ash-shirki an-nadhru li ghayrillah. C'est-à-dire que parmi les formes de shirk, il y a le fait de faire des vœux pour autre que Allah, ou bien des vœux à autre que Allah. Le chapitre précédent, on avait expliqué yani, le fait de ne pas faire de sacrifice pour Allah dans un endroit où on égorge pour autre que Allah. Et ce chapitre, donc, c'est la suite. Un autre sujet qui est relié à ça, puisqu'on en avait parlé dans le chapitre précédent, parce que c'était la question qui avait été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet d'un compagnon qui avait fait le vœu, de faire un sacrifice d'un chameau dans un endroit qui s'appelle Bawana. Donc, il y avait la mention du nadr dans le chapitre précédent. Et donc, dans ce chapitre, maintenant, on va parler de ce sujet-là de façon plus spécifique, Inch'Allah. Dans ce chapitre, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a mentionné deux versets et il a mentionné un hadith. Le premier verset qu'il a mentionné, c'est le verset 7 dans Surat al-Insan. Il dit: وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Et le verset 270 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Et le hadith qu'il a cité, c'est le hadith rapporté dans le Sahih, selon Aisha radiallahu anha, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qal: man nazara an yuti' Allah, fal yuti'hu, wa man nazara an ya'si Allah, fala ya'si. Donc ici, le Sheikh, donc il a mentionné ces deux versets. Le premier verset dans Surat al-Insan, c'est le fait de du fait que Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie, et ils respectent leurs vœux et ils craignent un jour dont le mal sera généralisé, dont le mal sera partout. Et il mentionne le verset 270 dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: et tout ce que vous donnez comme dépense ou tout ce que vous faites comme vœu, lorsque vous faites un vœu, alaykoum salam wa rahmatullah, Allah Azza wa Jal le connaît. Et le hadith, c'est le hadith apporté selon Aisha radiallahu anha, dans lequel elle dit: celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Et celui qui a fait le vœu de désobéir à Allah, alors qu'il ne lui désobéisse pas. Naam. Et maintenant, on va lire le chapitre, l'explication de ces versets et de ce hadith dans le chapitre. Donc, le Cheikh, il dit: قَوْلُهُ بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ النَّذْرُ لِغَيْرِ اللَّهِ. Le Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire ici. Donc, on va lire son commentaire. Après ça, on lira le charh du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit: babun min ash-shirki ay min anwa' ash-shirki an-nadhru li ghayri Allah. An-nadhru lughatan al-iltizam, wa yuqalu nadhartu ash-shay' idha iltazamtahu. Wa an-nadhru shar'an التزام المسلم عبادة لم تكن واجبة عليه في أصل الشرع مثل نذر نذر أن يتصدق. الصدقة مستحبة في الأصل لكن إذا نذرها صارت واجبة، وذلك وكذلك الصلاة ما عدا الفرائض يعني نوافل، فإذا صلى النوافل فهذا مستحب، ولكن إذا نذر أنه يصلي الضحى أو يصلي الليل فإنه يجب عليه الوفاء، ويجب عليه أن يصلي في الوقت الذي نذر الصلاة فيه، يعني يصلي بالليل أو يصلي بالضحى أو يصلي بعد الظهر أو بعد المغرب، نقول يلزمك الوفاء بهذا. وإن كان في الأصل مستحب لكن يعني تحول من مستحب إلى واجب بسبب النذر. والنذر عبادة فلا يجوز أن ينذر لغير الله، فمن نذر لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، ولو نذر للقبر دراهم يضعها في صندوق البر في صندوق القبر يسمونها صناديق النذور، أو نذر أو نذر أن يذبح عند القبر أو يصلي عند القبر، كل هذا شرك بالله عز وجل لأنه نذر لغير الله فلا يجوز. والنذر نوع من أنواع العبادة، فمن صرف النذر لغير الله فقد أشرك بالعبادة. والدليل على أن النذر عبادة قوله تعالى يوفون بالنذر، أثنى على الأبرار أنهم يوفون بالنذر فدل على أنه عبادة. وقوله تعالى وليوفوا نذورهم أمر بالوفاء بالنذر فدل على أن النذر عبادة. وقوله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، النذر عبادة لأن النفقة عبادة، لأن النفاق لأن النفقة عبادة. وقد قرنه الله مع النفقة وأخبر أنه يعلمه، وهذا فيه وعد بالجزاء، فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه أي سيجازيكم عليه، فدل على أن النذر عبادة لا يجوز أن ينذر لغير الله، فمن نذر لغير الله فقد أشرك. لو نذر لقبر البدوي أو قبر الحسين أو غيرهما هذا شرك أكبر يخرج من الملة. Donc on va traduire tout ça. Le cheikh il explique premièrement que le chapitre, c'est le chapitre qui dit parmi les formes du shirk, parmi les formes du shirk, il y a le nadr, le fait de faire des vœux pour autre que Allah. Et le mot nadr, dans la langue arabe, ça signifie al-iltizam, c'est-à-dire de s'imposer, hein, d'imposer quelque chose ou de rendre quelque chose obligatoire. Et c'est ça la signification dans la langue arabe et dans la religion. Il y a ce sens-là aussi. Mon frère, tu peux mettre un masque, s'il te plaît. Barakallahu fik. Al-Nadr, dans la religion, ça signifie le fait de s'imposer, ou le fait qu'un musulman s'impose à lui-même, ou se rende obligatoire à lui-même de faire une adoration qui, à la base, n'était pas obligatoire. Donc, si quelqu'un, par exemple, il fait le vœu qu'il va faire une sadaqa, il fait le vœu qu'il veut faire une sadaqa. À la base, la sadaqa, c'est mustahab, yani c'est recommandé de le faire. Mais si la personne, elle fait le vœu de faire la sadaqa, à ce moment-là, ça devient obligatoire. La même chose pour la prière en dehors des prières obligatoires, ce qu'on appelle les nawafil. Les nawafil, c'est pas obligatoire à la base, c'est recommandé. Mais si tu fais le vœu de faire la salat, hein, de faire les nawafil, hein, tu dis je vais faire salat al-duha, ou je fais le vœu de faire salat al-qiyam, qiyam al-layl, tu veux prier la nuit, alors à ce moment-là, ça devient obligatoire pour toi de respecter ton vœu, puisque tu dois respecter ton engagement. Donc à ce moment-là, il dit, une fois que tu as fait ton vœu, ça devient une obligation pour toi de respecter ton vœu. C'est quand tu fais un nadr. Un nadr, c'est comme si tu t'imposes à toi-même de faire quelque chose qui à la base n'était pas obligatoire. Disons que c'est plus même, c'est plus qu'une promesse. C'est un vœu, ça veut dire, yani c'est comme si tu t'imposais de le faire à toi-même, pour Allah. Ouais, on va parler de ça, inshallah. Mais la question aussi, c'est que c'est pour cette raison-là que les ulama, ils mentionnent que c'est déconseillé de faire un nadr. À la base, c'est déconseillé de faire le nadr. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il t'a rendu la religion facile. Il t'a pas imposé ces adorations-là. Et toi, tu viens et tu te l'imposes à toi-même. Donc, d'une certaine façon, c'est comme si tu te rendais la religion difficile. Et c'est pour cette raison que les ulama, ils déconseillent ça. Sauf qu'une fois que tu l'as pris ton engagement, une fois que tu as fait le nadr, le fait de respecter cet engagement-là, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est glorifié par Allah Azza wa Jal. Hein, le fait de al-wafa bin nadr. Al-wafa bin nadr, c'est-à-dire tu respectes et tu es fidèle au vœu que tu as pris. Si tu ne respectes pas ton vœu, non, tu deviens. Ça ne veut pas dire que tu deviens munafiq, mais c'est juste que tu as manqué à ton engagement. Donc c'est un péché, c'est clair. Et après on va expliquer d'autres détails. Vous allez voir des exemples de ça. Donc, si par exemple, des fois, il y a des gens qui peuvent faire un nadr avec une condition, et il y a des gens qui peuvent faire un nadr sans condition. Nadr avec condition, ça veut dire, tu dis, oh Allah, je te demande de me donner la guérison. Et si tu me guéris, je vais faire un jeûne pendant 2 semaines. Ça, c'est nadr avec condition de faire une adoration, hein, parce que tu demandes quelque chose à Allah, et tu dis, si je le reçois, si tu me donnes cette chose-là, je veux faire ça en retour. D'accord? Ou sinon, quelqu'un peut faire un nadr sans qu'il y ait nécessairement une condition. C'est-à-dire, il dit, je m'impose à moi-même de faire telle action pour Allah. Ça aussi, c'est un nadr. D'accord? Et dans tous les cas, le cheikh, il explique, il dit, c'est... Ce qui est louable, c'est de respecter cet engagement-là. Donc, il dit, le cheikh, tu dois prier à partir du moment que tu as fait le nadr de faire cette prière, que ce soit la prière de la nuit ou la sunna du duha, ou bien de prier après le dhuhr ou après le maghreb. Hein, à ce moment-là, si tu as pris ce vœu-là, eh bien, ça devient obligatoire de respecter cet engagement-là. À la base, c'était recommandé, mais c'est devenu obligatoire à cause du nadr que tu as fait. Donc, ça passe de recommandé à obligatoire, parce que tu as fait le nadr. Et surtout, si tu n'as pas mis de temps limite, comme par exemple, tu dis, je vais faire le nadr, je prends comme vœu que je vais faire la prière de la nuit, jusqu'à ma mort. Là, ça devient obligatoire. Maintenant, tu dois le faire obligatoirement. Alors qu'à la base, ce n'était pas obligatoire. Donc, ça devient difficile pour toi. Par la suite, peut-être tu ne pourras peut-être pas le respecter. Al-Nadr, c'est une adoration. Et donc, on n'a pas le droit de le faire pour autre que Allah. Et celui qui fait un vœu pour autre que Allah, il a fait un shirk majeur. Et c'est pour ça que le cheikh, il dit, si quelqu'un il fait un vœu à une tombe, et parfois, par exemple, dans des différents pays où les gens ils vont, par exemple, visiter des tombes, et il y a des mausolées qui sont construites, ou bien des mosquées qui sont construites par-dessus, les responsables ou les gens qui entretiennent ces lieux-là, ils ont parfois mis des boîtes pour les sadaqat ou bien pour que les gens puissent faire des nadr. C'est-à-dire que s'ils font un nadr, ils font un vœu à la tombe ou au saint ou à la personne qui est enterrée là-bas, parmi les soi-disant hommes pieux, alors à ce moment-là, ils disent, bon, les gens, ils vont mettre le nadr qu'ils ont fait au wali, ils vont mettre ça dans la boîte. Hein? Donc les gens, par exemple, s'ils veulent quelque chose, ils vont aller à la tombe, ils demandent au wali de leur donner la guérison ou de leur donner du risque ou leur donner quelque chose. Et ça, c'est du shirk majeur, déjà de demander à autre que Allah. Et ils disent, si tu me donnes ce que je te demande, je vais faire un sadaqa, je vais donner 2 000 $ en sadaqa. Hein? Alors, quand il est exaucé, soi-disant, qu'est-ce qu'il a demandé, c'est il a reçu, par exemple, ce qu'il voulait. Et alors, il vient et il met dans la boîte la somme d'argent qu'il avait promis ou qu'il avait fait le vœu de donner. Donc, ça, c'est, le cheikh, il dit ça, c'est du shirk majeur. Il dit de même que la personne qui fait le vœu d'égorger un animal là où il y a la tombe du wali, ou bien de prier. Il a fait le vœu de venir prier à côté de la tombe du wali. Il dit ça, c'est du shirk avec Allah. Parce qu'il a fait le vœu, hein, il a fait un vœu pour autre que Allah, et ça, c'est pas permis. Et le nadr, le vœu, c'est une sorte d'adoration parmi les adorations. Alors, quiconque détourne l'adoration pour autre que Allah, il offre cette adoration-là à une créature, alors il a commis du shirk avec Allah dans l'adoration. Et la preuve que le nadr est une adoration, c'est dans la parole d'Allah lorsqu'il dit, il respecte leur nadr, leur vœu. Donc Allah Azza wa Jal a fait les éloges de ceux qu'il appelle al-abrar. Al-abrar, c'est les gens vieux, les gens vertueux, les gens pieux, hein, en disant qu'ils respectent leurs vœux. Ça, c'est la preuve que c'est une adoration. Puisque lorsque Allah fait l'éloge d'une action, cette action-là, ça veut dire que c'est une adoration. Et il dit dans le verset 29, dans Surat al-Hajj, وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, c'est-à-dire qu'ils respectent leurs vœux, hein, qu'ils soient fidèles à leurs vœux. Et le verbe, le nom, le mot nadr, le pluriel, c'est nuzur. Donc, waliyufu nuzurahum. Et donc, le fait de respecter son engagement, c'est un ordre. C'est un ordre de respecter l'engagement du vœu. Donc, ça prouve que c'est une adoration. Et dans le verset 270 qu'on a lu tout à l'heure, dans Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal, il dit que toute dépense que vous faites de vos biens dans la cause d'Allah, ou bien que tout vœu que vous faites, eh bien Allah il le connaît, Allah il le sait. Donc le nadr, c'est une adoration, et la nafaqa c'est une adoration. Donc le fait de dépenser de tes biens pour la cause d'Allah, ça c'est une adoration, et il est mentionné avec un nafaqa. Il est mentionné avec un nadr. C'est la preuve que ces deux choses-là sont des adorations, puisqu'il les a reliées ensemble. Et il a mentionné que Allah Azza wa Jal le connaît. Il connaît celui qui fait cette adoration-là, et il sait celui qui le fait. Et ça implique une promesse de rétribution, promesse de récompense. C'est-à-dire, quand il dit qu'il le connaît et qu'il le sait, il sait qui le fait, ça veut dire qu'il va les récompenser. Il va récompenser ceux qui le font. Et la preuve que le nadr est une adoration, hein, c'est une preuve aussi que le nadr est une adoration. Et donc, il n'est pas permis de l'offrir à autre que Allah, ou de le faire pour autre que Allah. Sinon, c'est du shirk. Comme celui qui fait le vœu qui fait un vœu pour la tombe d'un wali en Égypte, qu'on appelle al-Badawi. Ou quelqu'un qui se fait passer ou qui est considéré comme un wali par les soufis, Et en réalité, ce n'est pas un wali, cet homme-là. Au contraire, c'est un dajjal, un shaitan. Oui. Exactement. Non, il est connu, cet homme-là, comme étant un homme qui n'était même pas religieux. C'est quelqu'un qui ne faisait même pas la salat, il ne faisait même pas il se purifiait même pas. Et il y a des histoires qui sont racontées à ce sujet-là dans les livres des soufis. Et malgré ça, il le vénère. Oui. Parce que eux, ils pensent que quand quelqu'un il est comme ça, c'est une preuve que c'est un wali. Mais c'est ça la folie des soufis. Si tu lis les descriptions des awliya qu'ils ont dans leurs livres. Oui, c'est exactement des affaires vraiment bizarres. C'est comme par exemple, tu lis dans les histoires des soufis, il y a un soufi qui était tout, il montait sur le minbar et il enlevait ses vêtements. Il l'appelait Ibrahim al-Uryan. Le Ibrahim le nu. Et il pensait que le fait qu'il enlève ses vêtements, c'est le signe qu'il est comme un wali, un saint. Il y en a des histoires de fous comme ça. Il y en a un, par exemple, ils disent que... Mais les histoires des soufis, là, c'est rare qu'elles sont authentiques. Les histoires, mais les soufis, ça leur dérange pas l'authenticité, hein. C'est-à-dire que pour les soufis, c'est pas une condition qu'une histoire soit authentique pour l'accepter. Ouais, non, c'est des histoires comme ça. Il y en a un, j'ai entendu une histoire qu'ils disent, par exemple, que le soi-disant le soufi, il était assis pendant le temps de la prière, il prie pas. Et les autres, ils vont prier. Et quand ils reviennent, ils lui disent, « Mais pourquoi toi, tu restes assis là? T'es un cheikh et tu vas pas faire la salade. » Il a dit, « Moi, pendant que vous êtes allé faire la salade ici, moi, je suis parti à la Mecque et je suis revenu. J'ai eu le temps de faire ma salade à Mecca, devant la Kaaba, et j'ai fait le tawaf et puis je suis revenu. » Allah Moustan, des histoires de fous. Et une autre histoire, j'avais lu dans un livre comme ça, les histoires des soufis. Il y en a un comme ça qui était dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était le Jumu'ah. Il y avait beaucoup de monde. Et le soufi, il a vu son cheikh. Et quand son cheikh l'a regardé, Le soufi, il a senti, il a un problème. Et le cheikh, il a dit, quand mon cheikh, il m'a regardé, il a compris que j'avais un problème. Parce que j'avais perdu mon wudu. Alors, si tu as perdu ton wudu, le Jumu'ah, puis il y a beaucoup de monde, c'est très très compliqué pour sortir, aller faire ton wudu, pour revenir encore. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je suis rentré dans la manche de mon cheikh et j'ai trouvé l'océan à l'intérieur. Alors, je me suis là, j'ai fait mon wudu, puis après, je suis sorti. Mais c'est ça. Donc, quand tu vas écouter les histoires des soufis, ils te mettent ton cerveau pour qu'il devienne comme de la jello, tu vois? Ton cerveau, il devient comme de la guimauve. Après, tu ne peux plus distinguer rien. Et tout ce qu'ils vont te dire, il faut que tu dises « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Et c'est comme ça. Des histoires comme ça, même des fois, j'étais à la mosquée une fois, et il y avait un groupe de Jamaat Tablir, ils étaient debout, ils étaient en train de raconter des histoires comme ça. Et là, il y en a un, il disait « On était dans une Jamaat, et on est allé faire la prière ». Et là, quand l'imam il disait « Allahu Akbar », et puis le toit, il sautait. Alors, les autres, ils sont là, ils disent « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Ils pensent que parce qu'il dit « Allahu Akbar », ça devient vrai. Ça ne veut rien dire, ça. Tu racontes des mensonges, après ça, tu dis « Allahu Akbar », c'est grave. Donc, on va continuer la suite. Le cheikh il dit ensuite قول الله تعالى يوفون بالنذر قال عماد الدين ابن كثير يعني العماد ابن كثير أي يتعبدون الله فيما أوجب عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. Donc, Cheikh Ibn Kathir, le Mufassir, le grand alim, Ibn Kathir, il explique que ce verset, Yufuna bin Nadri, le verset 7 dans Surat Al-Insan, quand Allah Azza wa Jal il dit, ils respectent leurs vœux. Cheikh Ibn Kathir, rahimahullah, il dit, c'est-à-dire, ils adorent Allah parce que Allah leur a ordonné comme obligation dans les obéissances et les choses qui sont obligées ou obligatoires par la base de la charia. Et en plus, ils font ce qu'ils se sont imposés à eux-mêmes par la voie du nadr, par le fait qu'ils ont fait des vœux de piété. Donc, si quelqu'un fait un vœu de piété, ou un vœu d'obéissance, il doit le respecter. D'accord? Et il dit donc, le Cheikh Al-Fawzan, il dit, « Yufuna bin nazri hadha thana'un ala al-abrar. Wa'adda Allahu azza wa jal anna min a'malihim annahum yufuna bin nazri. Fadalla ala anna al-nazra ibadah. » Donc il dit, le Cheikh, que quand Allah il dit, « Yufuna bin nazri » dans le verset 7 dans Surat Al-Insan, c'est dans le contexte de la glorification ou de l'éloge de ceux qui sont pieux. Parce que dans ce verset, dans cette partie du verset, Allah Azza wa Jal, il fait l'énumération des qualités des abrar, des pieux. Et je vais vous relire le contexte du verset pour que vous compreniez pour quelle raison c'est une éloge de dire qu'ils respectent leurs engagements. Si vous regardez dans le verset 5, dans Surat Al-Insan, ok, on va lire jusqu'au verset, de verset 5 à 11, d'accord? 5 à 11. Allah Azza wa Jal, il dit, « Inna al-abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. » عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Donc j'ai lu jusqu'au verset 12. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie: les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre, d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah. Donc Allah Azza wa Jal, ici il énumère les caractéristiques de ceux qu'on appelle les abrar, les vertueux. Donc il dit en premier que ils vont boire d'une coupe, dont le mélange sera de camphre, et il dit ensuite d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah, ils la feront jaillir en abondance. Et il dit ensuite ils accomplissent leurs vœux. Donc ils respectent leurs vœux et redoutent le jour d'un mal dont le mal s'étendra partout. Donc ils respectent leurs vœux. Ça, c'est une de leurs caractéristiques. Et ils redoutent, ils ont peur d'un jour dont le mal s'étendra partout, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Ensuite, encore une fois, il mentionne qu'ils offrent de la nourriture. Malgré son amour, malgré qu'il aime la nourriture, mais il donne la nourriture aux pauvres, aux orphelins, aux prisonniers. Et ils disent en faisant cela, c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons ni récompense, ni gratitude. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible, catastrophique. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là, et leur fera rencontrer la splendeur et la joie, et les rétribuera pour ce qu'ils ont enduré en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. Donc tout ça, c'est les caractéristiques des Abrar. Et parmi les caractéristiques des loges, il y a le fait qu'ils respectent leurs engagements des vœux de piété qu'ils font. D'accord? Donc ça explique pourquoi c'est une adoration. Parce que c'est dans le contexte de l'éloge. Et dans le verset, il dit ensuite, وَقَوْلُهُ تَعَلَى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Cheikh Al-Fawzan, il dit à propos de ce verset-là, yani tout ce que vous donnez comme dépense, ou tout ce que vous faites comme vœu de piété, Allah, il le connaît. Cheikh Al-Fawzan, il dit, قَرَنَ النَّذْر بِالنَّفَقَةِ دَلِيلٌ يعني يعني قرن النذر بالنفقة دليل على أنه عبادة لأن النفقة عبادة والنذر كما قال أهل العلم مكروه أن الإنسان ينظر ابتداء لأنه يلزم نفسه بشيء لم يوجبه الله عليه ويكون في سعة إذا لم ينظر إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله ولكن إذا نذر يجب عليه فيتحرج بعد ذلك ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل البخيل الذي لا يأتي العبادة ولا يتصدق ولا ينفق من البخل فهذا إذا نذر وجب عليه وما اضطر إليه أن ينفقه وإلى أن يتصدق أما غير البخيل فإنه يفعل الخير ولو لم ينظر ويتصدق وينفق ويتبرع ولو لم ينظر. Donc ici, le cheikh, il explique un point important. Il dit que Allah Azza wa Jal, dans le verset 270, dans Surat Al-Baqarah, il a relié entre la nafaqa et le nadr. La nafaqa, c'est les dépenses qu'on fait de nos biens dans les voies de la piété. Et un nadr, c'est le fait de faire des vœux de piété. Donc, c'est la preuve que ces deux choses-là sont une adoration puisqu'elles sont mentionnées ensemble. Et il dit que le nadr, à la base, les ulama ont expliqué que c'est quelque chose qui est détestable. Et c'est déconseillé de faire des vœux de piété. Et pourquoi c'est détestable? Parce que, le cheikh, il dit, à la base, tu avais la possibilité de le faire ou de ne pas le faire. Mais toi, tu te le rends obligatoire à toi-même alors que Allah ne te l'a pas rendu obligatoire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que plus tard, quand tu t'imposes cela à toi-même, ça devient difficile pour toi. Ou peut-être que ça devient lourd pour toi. C'est pour cette raison-là que c'est déconseillé. Et même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de le faire. Il a déconseillé de le faire. Puisqu'il a dit que c'est quelque chose qui n'amène pas de bien. Il dit que c'est seulement une façon de faire sortir du bien de la personne qui est avare. C'est uniquement un moyen de faire sortir du bien de la personne qui est avare, comme c'est rapporté par l'imam muslim. Et on a posé la question à Cheikh Al-Fawzan. Il dit, Sou ila Cheikhuna hafidhahullah, kayfa najma' bayna kawn al-nadhr makruhan wa kawnihi ibada, wa al-ibadatu mahbouba. فأجاب يكون عبادة بعد أن ينظر أما قبل أن ينظر يكون مكروها بل البعض يراه محرما قبل النذر انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit on a posé la question au cheikh Al-Fawzan, comment on réunit entre le fait que le nadr c'est détestable de le faire puis c'est une adoration alors qu'on sait que l'adoration c'est quelque chose qui est aimé d'Allah. Alors le cheikh il répond, il dit oui, c'est une adoration une fois que tu as fait le vœu. Sauf qu'avant de le faire, c'est quelque chose qui est détestable. Même que certains considèrent même que c'est interdit. Hein? Mais avant de le faire, c'est pas quelque chose qui est glorifiable ou qui est louable. Mais une fois que tu l'as fait, de l'exécuter ou de respecter ton adr, ton vœu, alors là, ça c'est quelque chose qui est louable. Et le cheikh, il explique que la personne qui est avare dans le hadith, il s'agit de la personne qui est avare dans le sens qu'elle ne veut pas faire de bonnes actions, excepté si on lui impose ou si elle se l'impose à elle-même. C'est-à-dire que si on lui demande de faire une nafaka, elle ne va pas le faire. Si on lui demande de faire des nawafil, elle ne va pas le faire. Elle est obligée de faire des nadr, des vœux, pour pouvoir se sentir obligée de le faire, parce qu'elle est avare de faire le bien. Tandis que la personne qui est déjà pieuse à la base, elle n'a pas besoin de faire un nadr pour s'imposer cela, elle va le faire d'elle-même. Tu peux dire « Lillahi alayya an aqoum al-layl » أن أقوم الليل مدة أسبوع أو أن أقوم الليل يعني كل مرة في الأسبوع par exemple. Tu dis je m'impose à moi-même pour Allah de faire la prière de la nuit une fois par semaine ou bien pendant deux mois ou bien pendant ou, c'est toi qui décides. Tu mentionnes ce que tu veux. Donc tu dis, je m'impose à moi-même pour Allah. Non, si tu dis, je compte faire le Qiyam al-Layl, ce n'est pas un nadr. Il faut, et ça c'est l'intention. L'intention, ce n'est pas la même chose que nadr. Un nadr, il faut que tu l'exprimes en disant, je m'impose cela à moi-même. Tu comprends? Donc, je prends le vœu. Hein, je prends le vœu de piété de faire telle action pour Allah. Ça, c'est bon. Ça, c'est un nadr. Mais si tu dis, j'ai l'intention de mémoriser le Coran, ça, c'est seulement l'intention. Ce n'est pas la même chose que le nadr. D'accord ? قال ابن كثير يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعلمه العاملون من النفقات والمنظورات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. Donc ici le cheikh il explique le verset 270 en citant les paroles de Ibn Kathir rahimahullah dans son tafsir à propos de ce verset là dans sourate al-Baqarah. Il dit, Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a la connaissance de tous ceux qui font les œuvres, comme par exemple l'effet de dépenser dans la piété ou de faire des vœux. Donc ça implique qu'il va récompenser de la plus grande récompense ceux qui font le bien en espérant et en recherchant son visage. Et à ce sujet, le Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire ici. Il dit والمقصود فإن الله يعلمه لا شك أن الله يعلم كل شيء يعلم حتى الأعمال الخبيثة والأعمال السيئة فعلم الله شامل لكل شيء لكن المقصود أن هذه الآية يعلمه أي يعلمه سبحانه ويثيب عليه ولا يضيع على الله شيء يعلم أعمالك ومقاصدك ونيتك فمن لازم قوله تعالى فإن الله يعلمه أي يثيب عليه. Il dit le cheikh ici que dans ce verset là, quand il dit que tout ce que vous faites comme action, que ce soit le nadr ou que ce soit la nafaqa, Allah il la connaît. Et le cheikh, il explique, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça implique quoi? Ça implique qu'il le sait et qu'il va te récompenser pour ça. C'est ça que ça implique. Donc, il connaît. Pourquoi? Parce que quand il dit qu'il le connaît, il connaît ce que tu fais. Il dit, le cheikh, que il n'y a pas de doute que Allah, il connaît toutes choses, de toute façon. Il sait tout. Même les mauvaises actions aussi, il les connaît. Et il connaît les bonnes actions. Et donc, le cheikh, il dit, tout ce que tu fais, Allah, il le connaît. Et c'est ça, qu'est-ce qui est voulu par le verset en réalité, quand il dit qu'il le connaît? C'est-à-dire qu'il va récompenser la personne qui le fait, qui fait une nafaqa ou bien qui fait un nadr. Et il connaît nos actions, il connaît nos intentions, il connaît nos objectifs, il connaît tout. Donc c'est ça l'implication de ce verset-là. Après il dit, وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهِ وَأَمَّا النَّذْرُ لِغَيْرِ اللَّهِ كَالنَّذْرِ لِلْأَصْنَامِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْقُبُورِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهُوَ شِرْكٌ وقال في من نذر للقبور ونحوه وفي وقال في من نذر للقبور ونحوه ونحوه دهنا للتنور به ويقول إنها يعني تقبل النذر أو يعني إنها تقبل النذر كما يقوله بعض المشركين فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به وكذلك إذا نذر مالا للسندة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السندة التي كانت عند العزة ومنات يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فالنذر لأولئك السندة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية وفيه شبه من النذر لسندة الصلبان والمجاورين عندها انتهى كلامه. Donc ici le cheikh il explique que cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit que le fait de faire un vœu pour autre qu'Allah comme le faire pour une idole, pour le soleil, pour la lune, pour les étoiles ou des choses semblables, tout ça c'est du shirk. Il dit comme celui qui fait un nadr pour une tombe, hein, de donner par exemple de l'huile, hein, de l'huile pour faire des lampes ou des lanternes pour éclairer les tombes. Hein? Le cheikh il dit il pense que ça fait en sorte que il pense que ça c'est acceptable comme nadr. Et c'est un peu comme disent certains mushrikines, hein, à ce sujet là et il dit ça c'est un nadr qui est un péché selon l'accord de tous les musulmans et c'est haram. On n'a pas le droit de respecter ce nadr. De la même manière que la personne qui donne de l'argent aux gens qui entretiennent les tombes de ces soi-disant saints dans ces lieux-là, ceux qui sont responsables de l'entretien ou qui surveillent ces endroits-là, de faire des nadrs pour leur donner de l'argent à ces gens-là, il dit c'est comparable à ceux qui entretenaient les idoles de Al-Uzza et de Manat et qui consomment injustement les biens des gens, hein, et qui obstruent le chemin d'Allah Azza wa Jal. Donc, Ibrahim alayhi salam, il a dit à propos de ces gens-là qui entretiennent ces lieux de shirk, dans le verset 52 dans Surat Al-Anbiya, il dit, quelles sont ces idoles devant lesquelles vous vous tenez? Donc, de faire des vœux pour ces gens-là, c'est un péché. C'est haram. Et le cheikh, il dit, il y a une ressemblance aussi à ceux qui entretiennent les croix et les endroits des chrétiens, là, où ils vont, par exemple, pour faire leur pèlerinage et des choses de ce genre. Fin de la citation de Ibn Taymiyyah. Donc, on va lire les commentaires de Cheikh Al-Fawzan à propos de ces sujets-là. Donc, à propos de celui qui donne en sadaqa pour la tombe du wali, de l'huile, hein, ou de la graisse, pour les éclairer dans les lampes. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit, « Wa kanu fi dhalika al-waqt yunawwiruna al-qubur bil-zayt. » يضع الزيت في في قارورة أو في قرن من الحجارة يملؤونه زيتا ويجعلون فيه فتيلا أو خرقة يشعلون النار فيها تقضي الزيت فإذا نذر الإنسان زيتا أو وتدا أو قازا أو نذر مصابيح كهرباء يعني تركب في المسجد أو نذر أن يقود للمسجد بتيار كهربائي فهذا النذر طاعة يجب عليه الوفاء به أما لو نذر هذه الأشياء لقبر أو ضريح فهذا حرام لا يجوز الوفاء به. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique que à l'époque de Ibn Taymiyyah, les gens ils éclairaient avec des lanternes alimentées avec de l'huile ou des choses comme ça. Et donc ils mettaient de l'huile dans un contenant et ils mettaient une mèche ou quelque chose, un tissu, puis quand ça brûlait, eh bien ça consommait l'huile et ainsi de suite et ça faisait de l'éclairage. Et il dit que si une personne donc fait le vœu de donner de l'huile ou bien yani n'importe quelle autre matière qui est utilisée pour faire de l'éclairage ou bien s'il fait installer l'électricité dans la mosquée ou dans un lieu de culte dans la mosquée, des choses comme ça, ça c'est correct. Il dit ça c'est un vœu qui est acceptable, qui est une obéissance. Parce que ça amène de l'éclairage dans la mosquée. Mais si c'est pour les tombes et pour les tombeaux, alors là, ça devient haram. Parce que c'est des lieux dans lesquels les gens vont venir faire du shirk. Alors on n'a pas le droit de faire ça. Et en plus, c'est interdit d'éclairer les tombes. Le point numéro 3, le cheikh il dit « Iza nazara les sanada » الذين يتولون حفظها وفتحها للناس فنذر من ماله أن يعطيهم كي يستعينوا به على السدانة السدنة أنا قلت السندة الصحيح السدنة إذا نذر للسدنة الذين يتولون حفظها وفتحها للناس فنظر من ماله أن يعطيهم شيئا كي يستعينوا به على السدانة فهذا حرام ومعصية لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان أو نذر للذين يجتمعون فيها بغداء أو عشاء فهذا حرام يعني أيضا فهذا حرام أيضا ونذر معصية لأنه إعانة على معصية الله عز وجل ولكن إذا نذر للصوام الذين يصومون بإفطار أو عشاء فهذا جائز نذر طاعة أو نذر لهم ملابس أو كسوة يعني هذا طيب. Donc le cheikh il dit que ceux qui donnent un vœu ou qui font un vœu pour as-sadana. J'avais dit tantôt sanada. C'est une erreur. C'est as-sadana. As-sadana, c'est ceux qui s'occupent des endroits comme ça, soit des tombes ou bien des endroits où il y a une mausolée ou des choses comme ça, où les gens viennent pour visiter. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'occupent de la place. Ils ouvrent la porte, ils ferment la porte le soir, ils font le nettoyage, ils s'occupent des gens, ils contrôlent les choses. C'est ça, as-sadana. Et il y en a des fois, ils leur font des vœux, de leur donner de l'argent ou des choses comme ça, pour les aider. Et ça, c'est haram. Pourquoi? Parce qu'ils aident les gens dans le péché, dans la transgression. Parce que ces gens-là encouragent les gens à faire le shirk. Et étant donné qu'ils vivent de ça, parce qu'ils vivent des sadaqat des gens, donc ils ne vont pas empêcher les gens de venir. Parce que s'ils empêchent les gens de venir, ils ne vont plus avoir des sadaqat. Ils ne vont pas dire aux gens, ça c'est shirk, vous ne devez pas faire ça. Au contraire, ils vont les encourager, venez, venez, venez plus. Hein? Pour que les gens leur donnent plus d'argent. Ça devient, après ça devient un encouragement pour manger le bien des gens de façon injuste. Et donc, c'est pour ça que hein, ces gens-là, il ne faut pas leur donner. Et le cheikh, il dit que ça fait partie de s'entraider dans le péché, dans la transgression. Et il dit, donc tu ne dois pas faire de vœux pour ceux qui ramassent hein, l'argent pour ces lieux-là. Hein. C'est ça, les gens ils se ramassent là-bas le midi et le soir. Ils disent ça c'est haram, hein, de donner des vœux pour ces gens-là. C'est un péché. Et il dit pourquoi? Parce que ça les aide dans le péché. Il dit, mais toutefois, si des gens, il fait un vœu pour aider les gens parce qu'ils jeûnent. Donc, il fait le vœu de donner de la nourriture pour leur donner le iftar ou bien pour leur donner à manger. Ça, c'est permis. Et il dit, c'est ça, la même chose aussi pour, si tu veux leur donner des vêtements. Ou bien donner des vêtements aux gens, ou bien des choses pour se vêtir, c'est-à-dire dans les mosquées en général, ou bien, pas nécessairement dans les mosquées, mais de donner ça aux gens qui en ont besoin. Ça, c'est un vœu qui est permis. Mais de donner à ceux qui s'occupent des tombes et des lieux de shirk, ça, c'est pas permis. D'accord? De leur donner à manger ou des choses comme ça, de leur donner de l'argent pour entretenir les endroits où il y a des tombes. Ça, c'est de l'entraide dans le péché. C'est pas permis. À propos de la comparaison avec ceux qui s'occupent de ces tombes-là et de ces lieux-là, comparé à ceux qui s'occupaient des idoles, hein, Al-Lat wal-Uzza, Womanat, eh bien, c'est la même chose. Le cheikh il dit là, cheikh Al-Fawzan il dit la farqa bayna al-adrihati wa bayna al-lat wal-uzza anna al-maqsud wahid wa huwa ibadatu ghayrillah kulluha mithlu al-lat wal-uzza bal inna al-lat asluhu qabru rajulin kana yaluttu al-sawiq lil-hajj lil-hujjaj yani kana rajulan salihan famata fa'abadu فعبدوا قبره وبنوا عليه بنية. Donc le cheikh il dit qu'il n'y a pas de différence entre les tombes et les idoles comme Al-Lat ou Al-Uzza. Il dit pourquoi? Parce que l'objectif c'est le même, c'est d'adorer d'autres que Allah. Donc de la même manière que les mushrikines eux ils adorent Al-Lat et Al-Uzza, hein, et bien ceux qui adorent les tombes c'est la même chose puisque à la base Al-Lat c'était un homme hein, qui faisait de la nourriture pour les gens qui venaient faire le hajj. Et ils ont pris sa tombe comme un lieu de culte et c'est devenu une idole. Donc ceux qui adorent les tombes aujourd'hui, ça vient de... C'est la même origine, ou c'est le même objectif. Et c'est d'adorer d'autres que Allah. C'est du shirk. Et c'est comme ça que des gens deviennent des idoles. Hein. Et leurs tombes deviennent des idoles aussi. Après, il dit, par rapport au verset 52 dans Sourate Al-Anbiya, lorsque Ibrahim alayhi salam s'adresse aux gens qui s'occupaient des idoles à l'époque. Cheikh Al-Fawzan, il dit: هذا الذي يعتكفون عند القبور الذي يعتكفون عند القبور ويجلسون عندها يعني يشبهون الذين أنكر عليهم الخليل إبراهيم عليه السلام لقوله ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي تقيمون عندها تقربا إليها لا فرق بين هذا وهذا كله شرك. Donc le cheikh il dit, ceux qui se tiennent auprès des tombes et qui entretiennent ces tombes pour les visiteurs, il dit c'est la même chose que ceux à qui Ibrahim a fait des reproches du fait qu'il restait devant les statues et les idoles à son époque. Et il pose la question, qu'est-ce que c'est que ces idoles-là devant lesquelles vous vous tenez? C'est-à-dire, vous vous tenez en adoration auprès d'elles. Il n'y a pas de différence entre celui qui adore une tombe et celui qui fait l'adoration des idoles. Tout ça, c'est du shirk. Et le cheikh, il dit ensuite, par rapport à ceux qui le font pour les statues et les croix, comme les chrétiens, le cheikh il dit النصارى يجعلون صليبا على شكل رجل مسلوب يعني يزعمون ان المسيح عليه السلام قتل وصلب على الخشبه ويعكفون عند هذه الصور وعند هذا الصليب وهذا مثل الذين يعكفون عند القبور. Donc il dit les chrétiens c'est la même chose, ils ont établi des statues des croix. Et sur la croix, ils ont mis une statue d'un être humain qui est supposé représenter le Messie, Jésus, le fils de Marie, et qui est crucifié, comme s'il est crucifié, cloué sur une croix. Et c'est un morceau de bois. Et eux, ils accrochent ça, et ils se tiennent debout devant cette croix, ou bien à genoux, en adoration devant la croix. Et donc ça, c'est un exemple aussi de shirk. Et celui qui adore les tombes, c'est la même chose. Celui parmi les gens qui se disent musulmans et qui adorent les tombes, c'est la même chose que qu'est-ce que les chrétiens font avec la croix. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Et on continuera la semaine prochaine. Subhanakallahum wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ouais, y a pas de mal. Y a pas de mal. Le problème, en fait, c'est pas la même chose que qu'est-ce que le cheikh il mentionne. Le cheikh, lui, il parle de gens qui donnent de l'argent ou des sadaqat pour un vœu pieux qu'ils ont fait pour une tombe, ou bien pour les gens qui s'occupent des tombes, un endroit où les gens vont faire du shirk. Mais si toi, tu vas donner, par exemple, pour des gens qui sont pauvres et qui sont dans le besoin, ça, même si tu vas donner, par exemple, à des chrétiens ou à des juifs ou à des gens qui ne sont pas musulmans, c'est pas la même chose. Parce que c'est pas quelque chose que tu leur donnes dans le sens que, par exemple, parce que c'est des gens qui s'occupent d'une église ou des choses comme ça. En fait, la différence, c'est que eux, les gens qui donnent pour les gens qui s'occupent des tombes, ils leur donnent à eux. Tandis que toi, tu ne donnes pas aux gens qui s'occupent des idoles ou des choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Toi, tu donnes à ceux qui sont dans le besoin. C'est ça la différence. Tu comprends? Donc si tu connais des pauvres qui sont chrétiens ou tu connais des organisations qui donnent aux pauvres, tu donnes toi pour donner pour Allah. Donc il n'y a pas de problème avec ça. D'accord? Khair, inshallah. Je me sens fatigué.